La chronique bien-être. Et oui, la chronique bien-être, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition. On retrouve, comme pour chaque émission, Antoine Joulin, notre sophrologue maison. Bonjour Antoine. Bonjour Marlène, bonjour à tous. Et aujourd'hui, autour de la table, on a enrôlé dans cette émission Lily. Bonjour Lily. Bonjour. Salut Lily. Alors, une nouvelle chronique bien-être qui aujourd'hui va avoir une thématique bien précise, laquelle ? Le ventre. Mm-hmm. Et en d'autres termes, l'intestin. Très bien. Alors, comme le savent nos auditeurs, cette émission est composée de quelques minutes théoriques sur le sujet. Et puis, par la suite, on passera sur un moment de détente, de relaxation, de sophrologie plus exactement. Alors, que peut-on dire de manière théorique sur le ventre ? Alors, le ventre, c'est un système complexe. Nous, on l'entend gargouiller, on l'entend vivre. Des fois, il nous fait mal. Des fois, on a des expressions longues de longue date, type « j'ai mal au ventre parce que j'ai peur », la peur au ventre, justement, en d'autres termes. Et pourquoi ? En fait, tout simplement parce que l'intestin est composé, on le sait maintenant depuis quelques dizaines d'années, de milliers de neurones, que dis-je, de millions de neurones. On parle entre 100 et 500 millions de neurones dans l'intestin. Et dans le cerveau, on en a 100 milliards, petite comparaison. Donc ces neurones, en fait, sont directement liés et parlent en permanence avec notre cerveau. Donc notre intestin et notre cerveau communiquent en permanence. Et c'est là que c'est intéressant, car en fait, on parle de notre deuxième cerveau. Et on dit aussi que c'est le siège émotionnel de toutes nos peurs, de toutes nos angoisses, etc. Alors là, j'apprends un truc. Réellement, tu savais, Lily, qu'il y avait autant de connexions? Non, je ne savais même pas qu'il y avait des neurones. Mais oui, c'est ça qui est intéressant. En fait, au moment où on est, où on se fabrique, au niveau embryonnaire, il y a des neurones qui se détachent, qui se créent et qui vont donc s'ancrer dans l'intestin. Voilà. Mais il y a aussi une autre chose à savoir sur l'intestin, c'est le microbiote, qui est en fait un ensemble de bactéries, de champignons, de micro-organismes qui forment notre flore intestinale. C'est la fameuse flore intestinale qu'on parle depuis tant de temps, mais elle est vraiment prise du début de l'estomac jusqu'à la fin de l'intestin. Et donc cet micro-organisme est fabriqué depuis le début de notre naissance, en fait, à partir du moment où on est, jusqu'à l'évolution, jusqu'à la mort, on va dire, elle évolue en permanence. Et donc ce microbiote, maintenant on sait de source sûre qu'il agit sur notre cerveau, qu'il agit sur notre santé mentale. Donc c'est très très important de faire attention à son microbiote. Mais comment on fait ? Parce qu'on ne sait pas déjà ce que c'est. J'imagine, laisse-moi deviner un instant, alimentation équilibrée, activité physique. Exact, mais quand on dit alimentation équilibrée, c'est quoi ? En fait. Donc, on a pris plusieurs personnes de plusieurs pays différents. On a pris des personnes qui mangeaient en Asie, d'autres des fast-food en permanence. On s'est rendu compte qu'ils ne réagissaient pas du tout pareil. Et ils ont même poussé l'expérience à insérer le microbiote d'une personne A à une personne B. Non. Et ça faisait varier donc l'émotion et l'état d'esprit de la personne en fonction du microbiote. Donc il y a vraiment un lien très fort entre notre intestin et le cerveau. Donc ce qui est recommandé, c'est de manger le plus varié possible. Vraiment le plus varié possible. Évidemment, on évite tous les excès, etc. Mais manger varié et beaucoup de fibres ferait qu'on alimente notre microbiote beaucoup plus sainement et du coup, on est visiblement plus apaisé. Quand on pense qu'il y a des neurones dans l'intestin, quelque chose qui m'interpelle quand même, ça veut dire qu'on peut penser avec son ventre. Alors c'est un peu imagé ce que je dis, mais c'est mon ventre qui décide, qui dirige. Alors on n'a pas les mêmes fonctions cérébrales dans l'intestin, évidemment. Le cerveau est une machine toute complexe. Elle est alimentée et on va dire les neurones sont les systèmes de communication des nerfs jusqu'au cerveau. Voilà, c'est on va dire des mini-centres d'information qui vont avec la chimie, comme on avait parlé, les hormones, etc., faire fonctionner des zones cérébrales où vont absorber des informations dans les zones cérébrales. Mais par contre, l'intestin, lui, ne fonctionne pas comme ça. Lui, il stocke des choses, il va faire, par contre, naviguer des informations via ses neurones jusqu'au cerveau. Mais il ne va pas avoir le système de pensée parce qu'il n'a pas les mêmes zones de fabrication de la pensée comme le cerveau, en fait. Ouais. Mais par contre, c'est un système autonome en fait. C'est un système qui va pouvoir communiquer. Donc c'est un système complexe. C'est pour ça qu'il faut le préserver, notre petit ventre. Mais c'est vrai que ça fonctionne quand même de pair. Bien souvent, tu l'évoquais en début d'émission, Antoine, mais la peur au ventre, la boule au ventre, il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi du somatisme. Exactement. Mais en fin de compte, on ne somatise même pas. C'est un réflexe primaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une zone de stress qui va même des fois faire l'effet inverse, c'est-à-dire d'aller du cerveau au cerveau. Il va d'abord aller de l'intestin au cerveau. Le cerveau va dire « attention, on est en stress, on est en danger ». Et là, il va envoyer un autre message qui va donc réduire l'afflux sanguin au niveau du ventre, et c'est là qu'on va se sentir ballonné ou mal ou gêné au niveau du ventre, même enflammé, on peut même aller jusque-là. Et c'est là qu'on parle de cette peur au ventre. Et alors, par exemple, ceux qui vont se découvrir une allergie alimentaire, il va y avoir un inconfort, il va y avoir quelque chose qui va pouvoir être aussi gênant par rapport à la digestion. Est-ce que ça, il y a un moyen de le détecter par rapport à quelque chose qui serait de l'ordre du stress, par exemple ? Oui, alors maintenant, on est quasiment sûr, alors sur certaines maladies, c'est sûr maintenant que le stress est un facteur aggravant. Après, est-ce qu'il y a toujours une part de génétique là-dedans ? Il y a certaines maladies, on parle donc, par exemple, des grosses allergies au gluten. On en parle énormément maintenant. Voilà. Jamais autant entendu parler d'allergies au gluten que ces derniers temps, je trouve. Alors, est-ce que ça se détectait pas ? Est-ce que les défenses sont plus complexes maintenant ? Ou est-ce que le gluten, avec tous les produits qui ont été utilisés... Il est empoisonné. Voilà, est-ce que... ou du moins, est-ce qu'il est pas plus nocif, etc. Ou tout simplement, notre évolution génétique qui fait qu'on supporte de moins en moins certaines choses parce que notre alimentation a changé au cours de ce dernier siècle, avec plus de sucré, plus de gras, plus de produits transformés en permanence. Mais à savoir aussi, c'est qu'il y a quand même un facteur qui n'a rien à voir avec le microbiote, c'est-à-dire quand on a une intolérance, on a une réelle intolérance. Là, on va être dans l'ordre du mécanisme, du technique. Là, c'est un spécialiste qu'il faut aller voir. Par contre, sur des pathologies qu'on appelle, par exemple, le côlon irritable ou ce genre de choses, peut-être qu'un changement de microbiote, tout simplement, fonctionnerait. Alors, cette thérapie de changement de microbiote, elle n'est que dans certains pays pour l'instant, parce que, faut être clair, en fait, on ingère les selles d'une autre personne, enfin... Pas comme ça, hein, pas la petite cuillère, vous imaginez bien. Une petite pensée pour une chanson de Guédré qui me vient en tête à l'instant. Mais ça se fait d'une façon, c'est transformé, mis en gélule, etc. etc. Ou d'une autre façon, je ne sais pas, après je ne suis pas dans la technique de ce procédé. Mais il s'avère qu'en changement de microbiote, il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries de leur pathologie. Et on va même parler de personnes qui avaient la maladie de Crohn. Donc ah on oui est quand même à un niveau... Ah oui. Alors ça, je veux qu'on garde quand même ces choses-là entre guillemets, tant que vous savez que je suis très accroché à l'étude et les revues scientifiques et les analyses complémentaires avant de dire c'est ça qu'il vous faut. Déjà, je pense que prendre soin de soi, éviter le stress, manger équilibré et varié le plus possible, c'est déjà se donner des bons outils. Et oui, mais ça, je pense que c'est quelque chose que l'on sait, qu'il faut bien manger, qu'il faut éviter les abus, éviter la consommation d'alcool, arrêter le tabac. Et voilà, il faut avoir effectivement une hygiène de vie qui soit la meilleure possible. Mais on le sait, ça. Et oui. Et pourquoi on le fait pas ? Et ça, je pense que sur certains produits, on s'évade beaucoup facilement parce que la société veut ça aussi. Hein. Enfin, la société, le quotidien de notre vie, on va dire plutôt. Hein. C'est moins péjoratif maintenant, mais tout est plus rapide. C'est un peu pareil pour la relaxation ou le bien-être. Tout est en dose rapide. Mmh. On a envie de faire du rapide, donc on prend rapide. Et voilà. Après, l'alcool chez beaucoup de personnes aide beaucoup à anesthésier un petit peu cette journée de quotidien, justement. On peut boire un verre de temps en temps, mais il faut rester effectivement raisonnable. Rester festif aussi, hein, parce qu'il faut aussi s'amuser. Mais raisonnablement, c'est important. Moi, je voulais revenir un peu pour le côté des expressions. Donc, on sait qu'il y a la boule au ventre, etc. Mais pour les papillons dans le ventre, est-ce que c'est aussi une source de stress ? Oh, c'est joli. Alors, les papillons dans le ventre, c'est du bon stress. C'est ce qu'on appelle le bon stress. Souvent, on dit papillons dans le ventre pour deux lignes essentielles de ce que j'ai appris avec le temps. C'est les examens. C'est souvent les petits papillons du ventre avant les examens, où là on est un petit peu excité et à la fois stressé. Mais là on va parler de bon stress, on avait parlé lors de la première émission, où l'hormone va agir, mais on sait en même temps qu'on est sur la fin d'un cycle, et du coup on a cette excitation entre réussite et peur de ne pas réussir justement. Et c'est très intéressant d'ailleurs à travailler en sophrologie, parce qu'on vient titiller cette sensation pour inverser la vapeur et garder cette excitation. Et surtout, on enlève toute la superstition en sophrologie, parce qu'on a souvent peur de s'imaginer en train de gagner quelque chose, tout simplement par peur que ça nous porte la poisse et de ne pas y arriver. Ah oui, mais clairement. Donc ça, c'est juste éducatif, ça, faut le transformer. Faut plutôt se projeter en train de réussir quelque chose. En fait, ça va libérer des choses en nous, des hormones, et nous préparer correctement justement à réussir. Et souvent, on réussit quand c'est comme ça. Et c'est souvent ce qu'on fait pour les professionnels de sport, etc. On les prépare, ils sont déjà gagnants. C'est pour ça qu'ils sont très agacés quand ils perdent. Et le deuxième ? Quand on a envie de voir son amoureuse, et quand on se fait plein de bisous et des câlins, et quand on se quitte, on a tous les petits papillons dans le ventre, et ça, c'est l'oxytocine, donc on est encore dans les hormones, qui excitent donc toutes nos zones cérébrales et qui viennent de parler à notre intestin pour dire là, il se passe quelque chose et on est bien heureux. Il faut profiter de ça et l'étaler sur le long terme, en fait. Je connaissais davantage cet aspect-là que l'aspect examen. Ouais, moi, je savais pas que pour le stress, c'était le même type. Ah, ouais. En fait, voilà, c'est un réseau, mais nous, on confond, parce qu'il y a tellement de vagues d'hormones qui vont aller dans le cerveau. Des fois, il n'y a pas toute l'analyse de notre propre esprit pour dire c'est quoi. Justement, en sophrologie, on va essayer d'être à l'écoute de ça pour se dire qu'est-ce qui déclenche, pour enfin accepter, et voilà, on analyse, on accepte et on passe à autre chose. Alors Antoine, est-ce que en sophrologie, est-ce qu'il existe des exercices de respiration ou est-ce qu'il existe des astuces pour pouvoir soulager le ventre ballonné, le ventre qui fait mal ? Tout à fait, tout à fait. On fait énormément d'exercices de respiration, c'est une des plus grandes bases de la sophrologie. Alors avec énormément d'exercices variés, même si on va retrouver beaucoup de choses communes aux exercices, mais on va travailler justement avec le ventre. Et il y a beaucoup de gens qui vont venir pour la première, deuxième fois, qui vont même avoir jusqu'à des dérèglements légers après séance, etc. Mais en fin de compte, c'est l'intestin qui reprend ses droits. Ça les soulage. Après une séance de sophro ? Oui. Ça bouleverse, ça peut carrément... Ça peut, on prévient les gens quand même. Voilà, quand on travaille beaucoup. Quel type de bouleversement ? On peut aller dans le détail. Des trucs très simples, comme ça libère un peu certaines portes, donc on va avoir des petites diarrhées. L'image est joliment amenée. Voilà, on va avoir beaucoup de gargouillis, de bruit dans l'intestin. D'accord. On va justement sentir ces petits papillons dans le ventre, parce que justement on ouvre, on relibère les organes, tout simplement par la respiration ventrale. On récupère nos droits, parce qu'on a tendance, nous humains, depuis l'enfance, dès qu'on commence à rentrer dans la contrariété, à se bloquer, à se blinder. Ça, c'est nocif pour nous, en fait, parce que quand on se bloque, plus on se bloque la partie abdominale, enfin la partie des organes, c'est bien de gainer, mais de se bloquer, c'est pas bon. On va venir bloquer aussi le diaphragme, mais là, on va respirer à demi-mesure, on va avoir le ventre contrarié en permanence, et on va être dans des dérèglements intestinaux, mais aussi des dérèglements hormonaux, et on va forcément jouer sur l'émotionnel en permanence. Il suffit des fois de bien respirer un petit peu tous les jours pour se sentir bien, tout simplement, au moins dans son corps. Et finalement, la respiration, par rapport à tous les thèmes qu'on a pu aborder depuis la création de cette chronique, c'est la solution à énormément de choses. Oui, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une chronique spécialement sur la respiration. Mais oui, et puis tel type de respiration va débloquer tel type d'organes. Par exemple, on peut travailler en visant les organes. Voilà, là, on se sert de la pensée d'un geste, mais de la pensée pour diriger son souffle sur l'organe. Ça a l'air un petit peu farfelu comme ça, mais quand la pensée est concentrée sur un organe et qu'on travaille son souffle vraiment en concentration, on va activer certaines zones. C'est utilisé pour l'après-chimiothérapie, pour soulager certaines douleurs. Voilà, en sophrologie, on accompagne beaucoup ces après-chimiothérapie et justement, on vient soulager en travaillant en... On va dire, il y a certains exercices qui vont embaumer de respiration, de bien-être certains organes pour les rebooster. Pour, voilà. On vient soulager et après on vient rebooster. Alors Lily, tu avais déjà fait des séances de sophrologie ? Oui, en cours. Ouais. Mon prof de... enfin, t'as un prof d'économie et de sociologie, mais on faisait aussi du media training avec lui. Donc ouais, on a beaucoup fait pour se préparer à parler à l'oral, devant des gens, même on a fait des fausses, parce que ça passait pas vraiment à la télé, mais la météo, des choses comme ça. Donc ouais, on faisait de la sophrologie. Après, c'est quelque chose qui te convainc ? C'est un peu particulier de le faire devant une classe, surtout que c'était au début d'année. Mais pour moi, j'ai jamais vraiment vu d'apport concret. Après, j'en ai fait un peu au lycée aussi. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de forcément stressé, en particulier à mon âge, pour les examens, etc. Je ne suis pas forcément stressé. Et je n'ai pas été vraiment affaire à des grosses sources de stress dans ma vie. Enfin, à première vue, ça ne me vient pas à l'esprit, en tout cas. Mais oui, mais on imagine forcément que la pratique de la sophrologie, elle est d'autant plus visible et palpable quand on a un problème à régler, finalement. Oui, quand on a une grosse souffrance, c'est tout de suite plus facile à aborder parce qu'il va y avoir un soulagement immédiat. Mais j'invite les gens à pratiquer la sophrologie ou certains exercices de sophrologie pour justement continuer à avancer dans sa bonne pratique de bien-être et se préparer à d'autres choses, tout simplement à se faire du bien au quotidien. Quoi. Respirer déjà, c'est bien, ouais. Mais c'est super de ne pas être trop lié au stress. Faut se détacher de ce stress et de ces anxiétés. Pas donc même quand on va bien, au contraire, la pratique de la sophrologie aide à continuer à aller voilà, bien. Pratiquer un petit peu tous les jours, c'est parfait ça. C'est... Voilà, on évolue, on grandit dans sa tête comme on dit, on s'ouvre de plus en plus, on s'éveille, on va de plus en plus vers l'éveil, c'est très méditatif hein, ce mot-là, mais voilà, et plus on s'éveille, plus on est dans le bien-être. Mais du coup, quand on est tout seul chez soi et qu'on fait un peu de sophrologie, on fait comment ? On regarde sur Internet, une vidéo YouTube ? On vient me voir. Bah ou on écoute la chronique bien-être en podcast et comme ça, on peut avoir... Non, mais on peut prendre... Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'exercices de sophrologie sur Internet maintenant. Il y a même des applications pour ça. En fait, un principe de base quand on est... seul déjà, c'est de prendre le temps de le faire. Et tout de suite, on est dans une démarche différente. Le fait de dire, tiens, maintenant le matin, avant le brossage de dents ou après le brossage de dents, c'est pour imager, pour dire, on l'associe avec quelque chose un de... Un geste du quotidien. Exactement, finalement. Comme ça, on ponctue ce geste-là. On devient discipliné dans sa pratique. Et ajouter de la discipline, c'est pareil, ça ajoute un cadre. Et le cadre, ça ajoute un équilibre, etc. etc. Donc une harmonie dans notre bien-être. Et le fait de prendre le temps de dire, bon, je me pose, j'écoute d'abord. On écoute tout simplement son corps, ce qui se passe, etc. Et après, on commence les exercices de respiration. Rien que 5 minutes par jour... Et là, on est déjà dans une autre dimension. Je suis complètement convaincue par ce que tu dis, parce que pour y faire attention maintenant, depuis qu'on en discute régulièrement, moi, je trouve qu'on a tous ces moments où il y a un challenge, il y a un truc, et où on, finalement, on a ce souffle-là qui est pas contrôlé. C'est le corps qui le fait parce qu'il en a besoin. Par réflexe. Donc, par réflexe, oui. Voilà. Ah oui, voilà. Et en fait, on se rend compte que quand on le fait au-delà du réflexe, bah forcément, c'est positif. Exactement. Et faire l'exercice, répéter, répéter, répéter, on en fait un réflexe. Et ça, oui. Je le répète en séance, en permanence. Les gens qui viennent me voir régulièrement peuvent témoigner. Je répète souvent la même chose, travailler régulièrement. Et après, ça devient un réflexe. L'outil, contrairement à l'outil d'un menuisier, par exemple, là, il ne va pas s'user. Il va au contraire s'affiner et devenir réflexe. Et c'est super, parce que quand quelque chose devient réflexe, vous vous mettez juste en position de pratique, soit debout, soit assis sur une chaise, soit en tailleur, même allongé dans votre lit, quand on fait les pratiques du soir avant de s'endormir. le fait de se mettre comme ça, de fermer les yeux, d'être à l'écoute et de faire sa première respiration, comme tu viens de dire, avant que ça soit ton propre réflexe, tu fabriques cette chose-là et là, en fait, tu mets ton cadre et tout de suite, tu vas déclencher le bien-être en toi. Et c'est le but de la sophrologie, c'est d'amener tous ces outils pour en faire des réflexes. Et il n'y a que le travail qui peut faire ça. Au-delà du fait que ça apporte de l'oxygène à son corps, évidemment, parce que de base, c'est l'idée. Tout à fait. Mais ça apporte forcément un bien-être qu'on ne mesure pas forcément, à mon avis, tout de suite. Mais je suis assez convaincue. Oui. Ça va très vite quand même. Ça va très vite. Une personne qui est dans la discipline et qui veut s'exercer, par exemple, on a parlé du sommeil une fois. Une personne qui va pratiquer ça régulièrement, elle va très vite voir, on va dire, au bout de 10-15 jours, un changement dans au moins l'endormissement. Peut-être pas dans le réveil et l'apprentissage, parce que la phase de réveil en pleine nuit, ça peut être un peu plus compliqué. Il y a un autre exercice à faire. Mais au moins dans l'endormissement, de se dire, tiens, en fait, je m'endors plus vite qu'avant. Et tout de suite, il y a quand même quelque chose qui s'est créé. Et il faut s'auto-reconnaître, voilà. Les gens me remercient, je leur dis non, c'est à vous de vous remercier. C'est vous qui pratiquez, en fait. À court terme, par exemple, avec des émotions négatives comme la colère, la tristesse, est-ce que faire de la sophrologie, ça aide vraiment à se calmer? Oui, énormément, ouais. D'accord. Oui. On va justement être dans la gestion des émotions, un des plus grands items de la sophrologie, gestion des émotions. On ne contrôle pas, on accepte, on diversifie, on... Voilà. D'accord, merci. Très bien. Antoine, est-ce que nous passons à la phase pratique ? Justement, on va faire aucune visualisation mentale aujourd'hui. Mm-hmm. Donc vous pouvez faire ça, encore une fois, ceux qui sont en voiture, ils s'arrêtent. Mais normalement, on ne s'endort pas aujourd'hui. On n'est pas entre la veille et le sommeil comme pour les bons exercices de projection mentale. Là, on va tout simplement faire des exercices de respiration. On va déjà se recentrer. Par contre, vous pouvez quand même fermer les yeux. Pour être super concentré, je vous invite à mettre une main de chaque côté du nombril, bien à plat, les doigts dirigés vers le bas. Vous pouvez vous tenir bien droit sans contracter trop le dos. Surtout gardez bien les épaules abaissées. Vous pouvez fermer les yeux et tout simplement, avant de faire quoi que ce soit, vous concentrer sur ce que vous êtes en train de ressentir là maintenant. Vous pouvez détendre toute la ligne des sourcils pour décontracter tout le visage et relâcher petit à petit la mâchoire, le cou. Vous pouvez déglutir, laisser les yeux travailler derrière les paupières sans jamais ouvrir les paupières. Vous pouvez écouter votre souffle petit à petit que par le nez, sans forcer, juste laisser faire son travail. Vous pouvez faire cet exercice debout, ou assis, ou même allongé. Vous allez détendre bien les épaules, laisser tout rabaisser. Si vos épaules ont du mal à vous rabaisser, vous adaptez la posture de vos mains, vous mettez un peu plus sur les côtés. Si vous êtes assis, vous pouvez même mettre complètement vos mains sur les cuisses, en restant juste les doigts en contact un petit peu avec votre ventre pour ressentir la suite d'exercice. On détend la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'en bas. Des cervicales jusqu'au coccyx, vertèbre par vertèbre. On détend, on descend un petit peu son niveau de vigilance. Et on va pouvoir justement, quand je vous le dirai, prendre une grande inspiration par le nez. Et vous pourrez souffler par la bouche tout doucement et détendre la totalité du corps. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Très bien. Vous êtes un petit peu plus relâché, un petit peu plus détendu. Vous restez concentré sur ce qui se passe dans votre corps. Vous restez concentré sur vous-même. Les pieds sont bien à plat sur le sol. Pour ceux qui sont allongés, vous détendez tout simplement les pieds, vous relâchez un petit peu, écartez un tout petit peu les jambes. Pour ceux qui sont assis, vous mettez bien les jambes à l'équerre, les pieds à plat. Et ceux qui sont debout, vous essayez de ressentir tout le poids de votre corps sur la plante des pieds. On va reprendre encore une grande inspiration par le nez, mais avec un tout petit peu plus d'air. Et on ressouffle par la bouche. Sans retenir, en lâchant complètement. Vous allez pouvoir écouter votre inspire et expire par le nez, qui doit être un tout petit peu plus ample que tout à l'heure. Inspire, le calme. Expire, la détente dans tout le corps. Et on détend toute la zone des sourcils, du visage. Vous allez pouvoir mettre maintenant, si vous pouvez, une main, celle que vous voulez, le dos de la main dans le creux de votre dos. Puis l'autre main, la paume sur le bas de votre ventre. Si vous avez un dossier, décalez-vous un petit peu. Si vous êtes allongé, mettez les deux paumes contre le ventre. Si vous êtes debout, vous allez pouvoir glisser votre main un petit peu plus bas que le creux lombaire pour pouvoir ne pas vous faire mal à l'épaule. Et si c'est dur au niveau des épaules et du bras, vous laissez vos deux mains de chaque côté du nombril. Maintenant, à l'inspire, vous allez devoir gonfler un petit peu votre ventre. Et à l'expire, vous allez pouvoir pousser, vous expirerez par le nez, vous allez pouvoir pousser le ventre vers l'intérieur. Je vais répéter avant de faire l'exercice. À l'inspire, le ventre pousse les mains vers l'extérieur. Et à l'expire, les mains poussent le ventre vers l'intérieur. On y va. Inspire le plus profondément possible. Expire. On rentre sans trop forcer, juste en poussant un petit peu. Inspire. On va le faire 5 fois comme ça. Comme la mer. Ça va, ça vient sans arrêt. Essayez d'être le plus ample possible, le plus profondément possible. Inspire profond, expire profond aussi. Et quand vous avez fini, vous pouvez remettre vos deux mains sur les cuisses et revenir dans votre position de détente. On a libéré un tout petit peu le ventre, on va pouvoir faire un exercice de rapidité au niveau du souffle pour libérer le diaphragme. Quand je vous le dirai, vous allez inspirer rapidement par le nez et souffler très rapidement par la bouche. Ça doit être très très court et très rapide, il faut le faire 10 fois de suite. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et à chaque fois que vous soufflez, le ventre rentre à toute vitesse à l'intérieur. Allez-y, à votre rythme. Allez-y, encore un peu. Il faut aller un petit peu plus vite. Et on relâche complètement le ventre. On relâche tout. On va pouvoir attaquer un autre exercice. On va pouvoir joindre les deux mains de chaque côté devant nous. bien à plat, vous mettez les mains jointes bien à plat devant vous. Au début, elles sont serrées l'une contre l'autre. Et pensez bien à votre ventre, surtout. Vous allez jouer avec votre ventre comme si vous jouiez avec un ballon. Le ballon, pour l'instant, n'existe pas dans votre main. Et quand vous allez inspirer, vous allez écarter au début un tout petit peu, quelques centimètres. Ce ballon, il va gonfler. J'inspire, les mains s'écartent et mon ventre se gonfle. Et à l'expire, je pousse mes mains vers l'intérieur et là, mon ventre rentre en même temps que mes mains se resserrent. Inspire, mes mains s'écartent encore un petit peu. Et quand j'expire, mon ventre rentre en même temps que les mains. Vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et on va grandir les mains de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va allonger le souffle de plus en plus. Inspire plus grand. Expire, on rentre le ventre et on souffle. On continue. Inspire plus grand, les mains s'écartent de plus en plus. Beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Expire, on rentre le ventre. Et les mains se resserrent. On continue sans s'arrêter. Inspire, les mains s'écartent. On est presque à largeur d'épaule. Expire. Le ventre rentre. On continue encore 3-4 fois. Écartez bien les bras tendus devant vous. Et on écarte presque au niveau des épaules, même peut-être même plus. Allez, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre la cage. Et on rentre le ventre en poussant les mains vers l'intérieur. Encore une fois, maintenant, vous allez ouvrir comme si vos deux bras étaient de chaque côté de votre corps. On ouvre. Ça ouvre toute la cage thoracique. Et on resserre tout dans le ventre. Une dernière fois pour que vous fassiez bien concentré. À votre rythme, inspire. Expire tout dans le ventre. Et vous pouvez remettre vos mains sur les cuisses. Vous allez pouvoir vous mettre bien droit, écouter ce qui se passe dans votre ventre. Ces exercices de respiration sont répétés plusieurs fois d'affilée. Celui avec les mains qu'on écarte comme ça, vous pouvez faire 10 fois de suite. Faire une pause d'intégration, d'écoute pendant 2 minutes et recommencer encore 3 fois. Pour vraiment ouvrir toute la cage et libérer tout le ventre. On va pouvoir tout simplement laisser le ventre se reposer et on va pouvoir ouvrir les yeux tout doucement pour revenir à la surface. Il y a toujours ce moment de reconnexion qui est compliqué hein, après un exercice comme ça. Oui. Mais en tous les cas, oui, ça, on ressent quelque chose. Lily, t'as senti quelque chose hein? Oui, c'est agréable. À pratiquer, à libérer. Là, en plus, vous êtes tous, même à l'écoute de la radio, en phase d'analyse de l'exercice avant de pouvoir le pratiquer correctement. De toute façon, à réécouter l'émission, vous allez pouvoir saisir correctement l'exercice. Et une fois qu'on a cet exercice saisi, tu parlais tout à l'heure d'exercice à pratiquer. Celui-ci est super simple, l'exercice du ballon, en fait. Ouais. Il peut être fait n'importe où. Bon, après, quand il y a des passagers à côté de vous, c'est compliqué. Mais chez vous, il peut être fait n'importe où, debout, allongé ou assis. Et en fait, vous allez pouvoir de plus en plus écarter la cage. Et là, en fait, vous allez vraiment ouvrir. Mmh. Et en écartant, vous gonflez bien le ventre, vous détendez le ventre. Et là, vous allez rentrer le ventre. Et en fait, vous allez travailler toute la zone de l'intestin, toute la zone du ventre. Ça va réchauffer, ça va se réorganiser. Et vous allez voir, ça apaise tout de suite. Petite anecdote aussi qu'on n'a pas dit tout à l'heure. On parlait de sérotonine, la première émission, la fameuse hormone du bonheur, du bien-être. 95% de la sérotonine est ingérée par l'intestin. Donc, ingérés. Oui, quand on mange, tous les éléments plaisir, etc., ils sont travaillés et reconstruits par l'intestin pour être envoyés à notre cerveau. Donc la gourmandise, en fait, hein, ça s'explique par les hormones. Exactement, c'est que ça. Il faut se faire plaisir de toute façon. Merci Antoine pour cette nouvelle chronique. Mais de rien, merci à vous tous. Merci Antoine. Merci Lily de ta participation. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique. Exactement, la prochaine chronique, je crois que ça sera la confiance en soi. Et très bien. On en a besoin. Parfait. Merci, c'est la fin de cette chronique. On se retrouve très prochainement. La chronique bien-être.